Ok. Mentalité laid back, excité à la Craig Mac. Hey Jack, je connais jamais le sommeil slack. T'es mis mais tes oreilles claquent. Bah ta voix ça se perd fort, mon blague il ne sourit pas. Comme souris je dirais pas, faire plus fort n'essaye pas. On a beau prendre des joues dans le jeu, on ne vieille pas. Préfère une geisha au célibat, j'emmènerai bien de chi au Pays-Bas. On a le bras trop long pour flotter que des mini-seufs. On traite tellement ouf que la on gagnerait la cannabis cup. Sort ton plus beau smile, celui des grandes occasions. Notre sou en chromophile, les bandits tentent les vaches. Radio sauf les boomers, on a lâché notre rap en liberté. Les Ulysse Fever. Même ton disque qu'elle va déserter. Ha! Précis-tu.